Lettre 39e, Sulpici à Calpurnie, Saint-Yom, mars 302. Pourquoi, ma Calpurnie, ne puis-je voler vers toi, me jeter dans tes bras, et verser dans ton sein des larmes de joie sur ton arrivée? Hélas, les privations, l'abnégation furent, dans tous les temps, mon partage. Je suis malade, mon ami. Pas au point cependant de ne pouvoir, dans un beau jour de printemps, me promener dans les jardins délicieux de notre ami, et t'écrire sans de trop grands efforts. Mais je suis beaucoup, beaucoup trop faible pour entreprendre un voyage de 6 lieues. J'avais tout espéré de la tranquillité de ma vie actuelle, du doux climat de l'Asie, de l'accomplissement de tous mes vœux, mais ma santé ne se rétablit point, je souffre encore, et peut-être dois-je faire naufrage au port et quitter cette vie au moment où elle commence pour moi pleine de charme et d'un bonheur trop grand pour une mortelle. Il fut un temps, tu le sais, où je désirais avec passion la mort qui finissait mes tourments, mais à présent, Calpurnie, l'idée de me séparer de mon Tiridate, de renoncer à lui pour descendre dans l'empire des ombres, me glace d'effroi et de terreur. Cette vie à venir, l'Élysée même se présente à moi sous un aspect effrayant. Existe-t-il bien réellement un Élysée, un séjour où les âmes se retrouvent, se reconnaissent et vivent éternellement ensemble dans un doux repos? Pourquoi cette flatteuse image est-elle mêlée de tant de doutes et d'incertitudes? L'esprit de l'homme est si borné qu'il ne peut aller plus loin qu'à des conjectures sur ce qui l'intéresse le plus vivement. S'il est vrai que l'autre vie doit être éternelle, combien ne doit-elle pas nous occuper plus que celle qui est si courte, si passagère? S'il est vrai, Calpurnie, qui peut nous en assurer? Personne n'en est revenu, et cependant, je te l'avoue, je ne puis supporter l'idée d'une entière destruction, de l'anéantissement total de mon être et de ce cœur embrasé d'amour, glacé tout à coup par la mort. Quoi? Je devrais ne plus revoir Tiridate, le laisser livrer au désespoir, ou bien, idée affreuse, aux consolations d'un autre attachement? Oh non, non, je ne veux pas mourir. Les médecins me donnent quelque espoir et je les écoute avec ravissement. Ils disent que le changement de climat, la fatigue du voyage et les secousses de mon âme devaient naturellement influer sur une santé déjà si altérée. Ils me promettent tout de l'effet du temps et du contentement intérieur. Je veux donc relever mon courage, bannir toute idée triste. Je veux être résigné, calme, même aveugle et insensible si ma santé l'exige. Tu veux donc savoir, cher ami, ce qu'Agathoclès pense de toi et diriger ta conduite d'après mes observations? Je dois te parler avec une entière franchise. Agathoclès t'estime et t'admire. Si je veux le distraire un instant du chagrin qui pèse sur son cœur, je n'ai qu'à lui parler de toi et lui rappeler quelques circonstances de son séjour à Rome. Il s'égaie alors. Il se souvient avec beaucoup de plaisir du temps qu'il a passé dans ta famille et près de toi. Mais en même temps, c'est avec une tranquillité qui ne laisse pas imaginer un sentiment bien vif. N'oublie pas cependant pour toi, pour moi et pour le bonheur de notre ami, que la plaie de son cœur est bien fraîche et envenimée encore par la manière affreuse dont il a perdu son ami. D'ailleurs, c'est un de ces êtres exaltés qui croient positivement à une réunion après la mort avec ce qu'on a toujours aimé. Larissa n'est donc pas morte pour lui. Elle l'a précédé de quelques instants, et d'après cette opinion, il se croit obligé de rester fidèle à sa mémoire. Malgré cela, et une foule d'autres idées qu'il a puisées dans la doctrine des chrétiens, ne perds point l'espoir de te l'attacher. Laisse écouler quelque temps jusqu'à ce que l'impression se dissipe faute d'aliments. Occupe son esprit par les charmes de ta conversation, égaie son cœur, fais-lui sentir le pouvoir de ta beauté, et peu à peu l'amour remplacera les êtres imaginaires qui occupe encore sa pensée et l'ombre de son amante. Tiridate te remettra cette lettre. Il s'impatiente si fort de te revoir que si tu n'étais pas ce que tu es, une amie comme il n'en fut jamais, j'en serais presque inquiète. Il m'a promis de persuader à ton père de l'accompagner avec toi lorsqu'il reviendra ici. J'attends donc sous peu de jours l'inexprimable bonheur d'embrasser ma Calpurnie.